Année heureuse, 1991-1994. Combien d'années solaires dans une vie? Combien de saisons sans nuages où l'on jouit du présent en construisant l'avenir sans souci du passé? Combien d'années aimerait-on recommencer en intégralité au soir de sa vie? Pas tant que ça, sans doute. Ma mère avait l'habitude de dire que les seules années qu'elle aimerait vraiment revivre sont celles qu'elle a vécues quand ses enfants étaient déjà grands et avant que mon père ne meure. Quelques années volées, une lune de miel à l'automne de la vie, d'autant plus savoureuse peut-être que le souvenir des efforts donnait un sens à la paresse. Audrey en eut trois petites années. Est-ce un bon, un mauvais partage à la loterie des destins? Combien de gens n'en connaissent aucune? Le jeune homme qu'elle m'avait chargé d'appeler l'attendit et l'aima. Il fut envoûté par sa profondeur et son désir de vivre, enveloppé par ses présents, charmé par son esprit agile qui n'aimait que les hauteurs. Audrey fut amoureuse et comblée. Elle fut belle comme elle n'avait jamais été. J'ai encore des clichés où elle ressemble à une vedette de cinéma des années 50, avec un foulard et des grosses lunettes de soleil, à l'avant d'une voiture décapotable, dans un paysage méditerranéen. Elle fut portée par la vague jusqu'au sommet du plaisir. Elle voyagea. Elle s'émerveilla du vaste monde. J'ai encore ces cartes postales de leur voyage en Asie. Votre clinique, vue d'ici, mon cher docteur Michel, est un point si petit de l'univers que je l'ai presque oublié. Mais je ne vous oublie pas, vous. Connaissez-vous la baie de Halong? C'est comme être plongé dans le rêve d'une imagination supérieure. Nous sommes heureux. Ici, en Asie, tout est velouté, adouci, enjolivé. On dit que la beauté est un art de vivre. Les plats sont jolis, les outils sont jolis, les gestes des femmes sont jolis, et même la façon de plier un carré de papier. Pourquoi ne suis-je pas né dans ce pays? Après la nature luxuriante et paisible, l'immersion dans le futurisme le plus délirant. La ville est si étendue en hauteur qu'on a le vertige en étant en bas. Les routes, le skytrain, le bourdonnement des moteurs et de l'activité humaine donnent un véritable tournis, complet dépaysement. Ce fut sans doute dans ces années que mon rapport avec Audrey devint franchement amical. Elle n'avait pas besoin de moi, mais elle ne m'oubliait jamais, et m'offrait le spectacle de son bonheur comme une rétribution de ses douleurs passées auprès de moi. Je fus invité à dîner un soir dans leur appartement en ville. Elle avait préparé des cadeaux pour ma femme et chacun de mes enfants, des cadeaux choisis, personnels. Je m'amusais du désordre effroyable qui régnait dans l'appartement, et qu'elle avait pourtant en partie caché à cause de ma venue. Son compagnon était un jeune homme fort intéressant et sympathique, avec lequel la conversation était aisée. Audrey me donnait des nouvelles de sa famille. Pierre s'était mis à la plongée sous-marine. Il fit d'ailleurs un accident de plongée en 93, sans gravité, car il plongeait avec un ami. Margot était une adorable fillette, choyée par ses quatre grands-parents. Elle vivait avec son père chez ses parents, car cela semblait plus pratique à tout le monde. Elle régnait sur la maison, et même sur la maison de poupée d'Audrey, sans que personne ne songe à lui reprocher son désordre. Elle paraissait une petite fille équilibrée et joyeuse. Léa appréciait le compagnon d'Audrey, et lui était infiniment reconnaissant de lui apporter un peu de normalité. Monsieur H voulut lui apprendre le golf, et Madame H avait fait taire, semblait-il, son esprit acerbe. Et puis Audrey voulut un enfant, et tomba enceinte. Sa grossesse fut tout l'inverse de celle de Laure, euphorique, rayonnante, pleine d'espoir. Elle n'était jamais fatiguée, toujours alerte. Elle achetait des profusions incroyables de vêtements pour enfants. Elle attendait un garçon et s'amusait elle-même de ne savoir où les ranger. Elle préparait la chambre avec une attention presque religieuse. C'était le seul espace miraculeusement épargné par le désordre de l'appartement. Cet état de grâce dura 9 mois. 9 longs et délicieux mois de fusion avec le petit être qui était devenu le centre de son existence. Et puis, elle accoucha. Et tout recommença.